الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني حول محاضرة الشيخ صالح الشيخ، ضرورة التفقه في الدين. C'est notre deuxième rencontre autour de cette conférence, Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, qui est intitulé « L'obligation de comprendre sa religion ». فوقفنا عند قوله حفظه تعالى: إذن فما من مسألة إلا وتم فئة لا بد فيها أن تتعلم العلم الشرعي. وهذا يعني أن المسلم إذا كان العلم مبسوطا قريبا بين يديه، وهو يأتي أموره على جهل وهوى أو على إعراض عما ينبغي من التعلم، فإنه ولا شك مقصر ويأثم، لأن العلم قريب منه وهو لم يبحث عن هذا العلم الذي لو بحث عنه لوجده. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, donc toujours un sujet où certaines catégories de personnes ont besoin d'apprendre ce qui concerne ce sujet, ce qui concerne cette situation dans laquelle il se trouve. Il dit, cela veut dire que le musulman, la science de sa religion, elle est en face de lui, il est entre ses mains, et s'il lui arrive à accomplir des actes avec ignorance et en suivant ses passions, ou il s'est détourné de l'obligation, de la science obligatoire qu'il doit apprendre, celui-là, il n'y a aucun doute qu'il est dans un péché et qu'il est laxiste et qu'il est dans un péché. Il est laxiste et il est dans un péché. Pourquoi il est dans un péché? Parce que la science est proche de lui. Et lui, il ne la cherche pas. Et s'il la cherche, il l'aurait trouvée. يقول حفظه الله كذلك في مسائل المحرمات الموبقات السبع الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الموبقات السبع. هذه المحرمات: حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة الرشوة، ونحو ذلك من المحرمات التي أجمع عليها العلماء، والتي تحريمها صار من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا يجب على كل أحد أن يتعلم ذلك من هذه المحرمات وما يتصل بها، وأن يحذر من الوقوع فيها. Il dit aussi, pour ce qui concerne tout ce qui est interdit, parmi les choses qui vont faire périr la personne, ils sont les sept choses, c'était dans un hadith, et il a cité ici l'associationnisme, la sorcellerie, le fait de tuer une âme sans droit, jusqu'à la fin de ces sept choses qui vont faire périr la personne. Il dit ces choses qui sont interdites, qui sont le fait l'adultère, le fait de boire du vin, le fait de tomber dans le riba, le fait de donner des pots de vin, ce qu'on appelle le choix. Et tout ça, ce sont des choses qui sont illicites dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et les choses sur lesquelles il y a eu l'unanimité des hommes de science. Et le fait que ces choses soient interdites dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est clair et c'est connu de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. il est obligatoire à tout un chacun de les connaître. Et tout un chacun doit apprendre ce que c'est, choses qui sont interdites. Et ce qui a rapport avec ces choses-là pour ne pas tomber dedans. Et pour faire très attention. Il dit le cheikh, رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرض وهذا النوع الذي ذكرناه هو العلم الواجب العيني اللي حفظه الله تعالى donc la religion de Allah سبحانه وتعالى sa réalité c'est que le musulman doit s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de Allah عز وجل au niveau du monothéisme au niveau de l'adoration selon la voie qu'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de répondre à l'appel d'Allah et le fait de répondre à l'appel de son messager alayhi wa sallam, c'est une obligation. Et il dit ce genre de science que nous avons citée, c'est la science obligatoire individuellement pour tout un chacun. Rentre dans cette science obligatoire pour tout un chacun, tout ce que nous avons vu depuis le début de la conférence jusqu'à aujourd'hui. يقول حفظه الله وأما القسم الثاني من التفقه في الدين وهو الفقه في الدين الكفائي وهو ما إذا كان تم طائفة من المسلمين في البلد نفسه قاموا بهذا الفرض الكفائي فإن الإثم يزول عن بقية المؤمنين il dit quant à la deuxième partie de la science de la religion qui est du domaine de la science de la religion qui est obligatoire collectivement c'est-à-dire que s'il y a un certain nombre de la communauté qui accomplit cette science, les autres ne sont pas dans le péché. Mais si cette science n'existe pas dans la communauté, ça veut dire que tout le monde est dans le péché. Et une fois qu'une partie de la communauté accomplit ce genre de science, qui est du domaine de l'obligation collective, hein, les autres, ceux qui l'ont accompli, c'est bien, et les autres de la communauté ne sont pas dans le péché. Surtout, ça concerne ceux qui sont capables de le faire, etc. يقول حفظه الله ولهذا في الحقيقة وجود طلبة علم في مكان وفي بلد وحرص هؤلاء على العلم والتعليم وبدل الأوقات في ذلك هذا له أثر على الجميع لو عقلوا وهو أن تفرغهم لذلك وإقبالهم عليه رفع عنهم الإثم لأنهم قاموا بفرض الكفاية بدعمهم وحثهم وشكرهم هذا مما ينبغي ويحسن لأنهم قاموا بما هو مفروض على الجماعة il dit en réalité le fait qu'il y ait des demandeurs de science dans une région dans un pays ou dans un endroit et qui tiennent à la science et à l'apprentissage et à l'enseignement et qui donnent leur temps et qui réservent leur temps à tout ça. Ceci a un grand impact sur tout le monde. Si les gens sont doués de raison, si les gens réfléchissent, le fait que ces gens-là donnent leur temps et se libèrent pour la science et pour la propager, et le fait qu'eux, ils apprennent, et le fait qu'ils le propagent, ceci débarrasse la communauté du péché. Parce qu'ils ont accompli, hein, une des obligations collectives. Et donc le fait de les aider dans ce sens-là, que ce soit d'une aide matérielle ou d'une aide d'un support moral ou autre, le fait de les inciter à cela et d'être reconnaissant vis-à-vis d'eux et de les remercier, ceci est obligatoire. Et c'est bien pour la chose qu'ils ont accomplie, parce qu'ils ont accompli quelque chose qui est obligatoire à tout le monde. يقول حفظه الله في بعض القرى يكون ثم شباب أو تم يأنس في نفسه رشدا ولا يكون في القرية الطلاب علم يكفون وتجد أن هؤلاء ينشغلون عن العلم الشرعي بغيره وهؤلاء لا تبرأ ذمتهم لأن الأصل كما قال العلماء أن كل بلد له حكمه في وجود وتحقيق الفرض الكفائي فلا يقال في بلد نحن قريبون من البلد الفلاني لأن هذا خلاف الأصل والأصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود بعض طلبة العلم ومن يتعلمون العلم الكفائي حتى ينفعوا أهل البلد وحتى يعلموا أهل البلد ما ينفعهم في دينهم وما يجب عليهم ويحرم عليهم في دين الله. Il dit, حفظه الله تعالى, dans certaines cités, dans certaines villes, dans certains villages, il y a certains jeunes et certaines jeunesses qui se sentent capables et qui ont les capacités, hein? Mais ils ne remplissent pas leurs devoirs. Il n'y a personne dans la cité ou là dans la ville, dans le village, hein? Il n'y a pas de demandeurs de sciences qui sont suffisants pour cette ville. Et tu vois que ceux-là, au lieu de s'adonner et tenir à la science de la législation, ils s'occupent d'autre chose. Et ceux-là, ils ne se sont pas acquittés de leurs devoirs. Car à l'origine, disent les hommes de science, chaque pays, chaque cité, chaque village, chaque ville, a son hukm dans le fait d'accomplir les obligations collectives. On ne dit pas, on est proche de telle ville, on est proche de tel village, on est proche de tel pays, il y a dedans des hommes de science, ou là des demandeurs de science. Ceci est le contraire de la situation, comment il doit être, et de l'origine de la situation. Car l'origine de la situation, c'est dans chaque ville. Les gens leur ont adressé le message. Quoi il est ? Qu'il faut qu'il y ait certains demandeurs de sciences parmi eux qui apprennent les sciences du domaine, hein, de l'obligation collective pour qu'ils soient bénéfiques pour leur pays, pour qu'ils soient bénéfiques pour leur ville et pour qu'ils apprennent la science aux gens de leur pays, pour qu'ils soient d'une aide et d'un bien pour les gens et pour la religion des gens. Et pour montrer aux gens ce qui leur est licite et ce qui est illicite dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله لهذا نقول إن الواقع مع هذا إقبال مع هذا الإقبال الذي نشهده في العلم وطلب العلم لكن الواقع أن العلم والفقه في الدين الناس معه مقصرون جدا والناس اليوم كثير فهل يحتاجون إلى 1000 طالب علم أو إلى 2000 أو إلى 10,000 أو إلى أكثر يحتاجون إلى أكثر وأكثر وكل أهل بلد يجب عليهم التفقه في الدين تفقها عينيا فيما يجب عينيا فيه وتفقها كفائيا فيما يجب كفائيا فيه. Il dit, حفظه الله تعالى, la réalité que nous voyons, c'est que beaucoup de jeunes s'adonnent à l'apprentissage de la science et accourent vers la science. Mais il dit la réalité aussi, c'est que beaucoup de gens sont négligents au niveau de la compréhension de leur religion. Il dit beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup. Il dit, est-ce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de 1000 demandeurs de science ou de 2000 ou de 10 000 ou de plus? Il dit, les gens ont besoin encore de plus que ça comme demandeurs de science. Et il dit, tout un pays, il est obligatoire pour eux de comprendre leur religion. En ce qui concerne là, les obligations individuelles, il est obligatoire pour eux. Et aussi, il est obligatoire pour eux qu'il y ait parmi eux, certains qui accomplissent les devoirs individuels au niveau de la science. Hein? C'est obligatoire. Bon, par exemple, vous prenez la ville dans laquelle vous êtes. Si on prend la situation, si vous comprenez le message que nous a fait maintenant à travers la conférence d'El-Sheikh, Salah El-Sheikh, est-ce qu'on est dans le péché ou là on est sorti du péché ou pas? Ou là on est en plein dedans? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors il ne faut pas prendre les choses à la légère comme ça. Hein? On est en plein dedans. On n'est pas sorti du péché. Parce que ni du domaine de l'obligation pour nous enseigner l'obligation, on ne l'a pas en face. Et encore moins au niveau de l'obligation collective. L'obligation individuelle n'est pas là. Il n'y a personne pour nous l'apprendre. Et en plus de ça, au niveau de l'obligation collectif, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On a rempli notre devoir ou là, le bateau coule? Plutôt le bateau il coule. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, l'imam Al-Albani, rahmatullah alayh, qui a dit une fois à Abil Hajj, tu dis qu'il y a beaucoup de monde avec toi. Est-ce que tous ils comprennent ce que ça veut dire? Rahman ala al-arsh istawa. Il commence à bégayer un petit peu, lui dit, je ne veux pas une réponse de politicien. Je veux une réponse réelle. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je te pose encore une autre question. Maintenant, dans une ville de 100 000 habitants, vous avez besoin de combien de médecins? 1000, 10 000. Hein? Il a dit, ben, pour ce qui concerne la science et les demandeurs de science, ceux et... Hein? Tu as besoin de plus que les médecins dont tu as besoin pour la guérison du cœur, du corps. C'est pour la ville, tu as besoin de 10 000 médecins, bah, tu as besoin de le double de, au niveau des demandeurs de science pour enseigner à la communauté. Hado, ils guérissent les corps, mais Hado, hein? Ils guérissent les cœurs et ils apprennent à la communauté ce qui est obligatoire pour elle. Il ne faut pas croire. Certains ils se disent, ouais, je suis bien dans ma religion, moi, en Europe. Tu crois? Je suis dans la liberté. Subhanallah. Tu ne sais pas dans quel pied tu es, dans quelle situation tu es. Il faut se rendre à l'évidence. Je sais, il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Mais avec l'islam, des fois, tu as des maladies qui, quand tu veux t'en guérir, le médecin il te donne de ces médicaments amers et tu es obligé de les prendre comme moyen pour te guérir de la maladie. Et des fois tu aimes des plats et ils te privent de ces plats. Et si tu les manges, tu vas dégrader ta santé. La même chose pour certaines paroles sont amères à entendre. Mais le devoir fait que nous devons vous faire entendre ces paroles. Et nous devons accepter la réalité en face, faire face à notre irréalité. Et mettre le point sur la blessure pour pouvoir diagnostiquer comme il se doit la maladie pour pouvoir y remédier. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas que Shaitan il joue avec nous. Il faut se rendre à l'évidence et voir est-ce qu'on a réellement rempli nos obligations individuelles ou pas. Écoute le Cheikh Hafidhahullah. وما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله أن يهديه يفقهه كما جاء في أحد حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وفي الرواية المشهورة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والرواية الأولى تقول من يريد الله أن يهديه يفقهه في يفقه إن حقيقة الفقه أن ينشرح الصدر للإسلام بكله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Il dit حفظه الله تعالى combien il est grande et il est énorme cette parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit celui qui Allah سبحانه وتعالى veut guider il lui donne la compréhension lui donne le fiqh dans la religion. Ça, c'est une autre version du hadith. Et du hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala nuwarda. La version qui est connue, que vous entendez tout le temps, c'est la version celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala vu du bien, il le verse dans la science de la religion. Alors, c'est une autre version qui te dit, celui à qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il lui donne la compréhension. Car la réalité de l'fiqh, de la jurisprudence, c'est que le cœur s'ouvre à l'islam. Comme il est dit dans le verset, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il ouvre son cœur pour l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il ferme sa poitrine pour l'islam. يقول الشيخ حفظه الله إذا تبين لك ذلك وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني ويجب على جماعة المسلمين في كل بلد أن يكون منهم طلاب علم يتعلمون ويبذلون في العلم أوقاتهم وترسخ أقدامهم في العلم حتى يقوموا بالواجب الكفائي فإن للفقه في الدين لمن أراد أن يطلبه له منهج ومن الناس من يريد ولكن لا منهج عنده لتحصيل العلم فلذلك يدرك بعضا ويفوته بعض ويكون مشتتا بين ذا وذاك. Il dit quand la situation te devient claire maintenant, est devenue claire pour toi maintenant, qu'il est obligatoire pour tout musulman d'apprendre la science, obligatoire individuellement pour tout un chacun, et qu'il est obligatoire pour les musulmans dans le pays où ils sont, dans n'importe quel pays où ils sont, qu'il y ait parmi eux des demandeurs de science qui ont appris et qui donnent leur temps pour la science et pour qu'ils soient ancrés dans la science et qu'ils aient de la science pour accomplir l'obligation collective. Car la compréhension de la religion, pour celui qui veut la demander, il a une voie, une méthode et une méthodologie. Et il y a des gens qui veulent apprendre, mais ils n'ont pas de méthodologie au moment de l'apprentissage. C'est pour ça que tu vois qu'ils comprennent certaines choses et d'autres, ils ne la captent pas. Ils ont des bribes de chaque domaine. Et ça, ce n'est pas la science. يقول الشيخ حفظه الله أما التوحيد والفقه في التوحيد فهو الذي سماه العلماء الفقه الأكبر لأن الله جل وعلا قال يتفقه في الدين والعلماء سموا العلم بالأحكام العبادية والمعاملات إلى آخره سموها فقها فسموا ما يقابله الفقه الأكبر لأنه الأهم والأعظم. Il dit حفظه الله تعالى كنت مونوثيسم. Il y a la compréhension du monothéisme. Ça, les hommes de science l'ont appelé la grande jurisprudence. Le monothéisme et tout ce qui a rapport avec le monothéisme, les hommes de science l'ont appelé la grande jurisprudence. Et ce qui concerne le commerce, ce qui concerne les adorations, les hommes de science l'ont appelé le fiqh. Et la grande jurisprudence, c'est la partie la plus importante de notre religion. Il est la plus grande et la plus importante. هذا الفقه الأكبر هو توحيد الله جل وعلا له منهج في طلبه والعلم به وليس العلم به تجميع مسائل أو أجوبة من الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو قراءة الفتاوى ليس ذلك هذا زاد في الطريق لكن العلم بالتوحيد له منهج. Il dit حفظه الله تعالى la grande jurisprudence qui est le monothéisme. Il a une voie pour l'apprendre. Il y a toute une science qui le concerne. Et la science concernant le monothéisme, c'est pas de réunir les sujets ou les questions d'hommes de science concernant le monothéisme ou le fait d'avoir posé la question sur le monothéisme à ce savant ou le fait de lire dans les fatawas des hommes de science. Ça, ce ne sont que des provisions qui assurent le chemin. Mais la demande de la science du monothéisme, il a une méthodologie, une méthode. يقول الشيخ التوحيد أو العقيدة يقسمها العلماء إلى قسمين. Il dit حفظه الله, le monothéisme ou les croyances qui sont le credo ou l'aqida, les hommes de science le divisent en deux parties. القسم الأول التوحيد وهو ما يدخل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. La première partie concerne le monothéisme qui contient le monothéisme de la souveraineté, le monothéisme de l'adoration et le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. والثاني العقيدة التي تدخل فيها أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وهي التي جاءت في الكتاب وحديث جبريل وما اتصل بذلك من مسائل العقيدة. Et la deuxième partie de la science du monothéisme, c'est ce qu'on appelle les croyances. C'est ce qui a rapport avec les piliers de la foi, qui sont la foi en Allah Azza wa Jal, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi en l'au-delà, et la foi en le destin bon et mauvais. Et ça, c'est ce qui est annoncé dans le livre d'Allah. Et ce qui est annoncé, énoncé aussi dans le hadith du Jibril. Et tout ce qui a rapport avec ces piliers-là, il est dans le domaine de l'aqida. هذا التوحيد الفقه فيه هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه لأنه أعظم الفرائض. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما فرضته عليه. فهذا الفرض وهو العلم بالتوحيد العلم بالحق بالعقيدة هذا من أوجب الواجبات. Dit Hafidhahullah Ta'ala, ce monothéisme et le fait de le comprendre est la plus grande et la plus importante chose avec laquelle on s'approche, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala s'approche d'Allah Azza wa Jal. C'est la plus grande et la plus importante des obligations. Il nous a été rapporté authentiquement du prophète alayhi wa sallam, où dans le hadith il est dit, le hadith Qudsi, qui est la parole d'Allah, mon serviteur ne s'est rapproché de moi avec quelque chose que j'aime tel que les obligations. C'est-à-dire que la chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime, avec laquelle on se rapproche de lui, ce sont les obligations. Ça, c'est les choses qu'il aime le plus. Et donc, cette obligation, qui est la science du monothéisme, qui est la science des croyances, ça, c'est la priorité des priorités, l'obligation parmi les grandes obligations. L'obligation des obligations. يقول الشيخ كيف تتعلم هذا العلم ما هو المنهج في ذلك هذا من أعز المطالب. Le cheikh il dit comment on apprend donc dans ces cas-là cette science, c'est quoi la méthodologie dans cet apprentissage. Il dit ça c'est le plus noble, la plus noble, le plus noble des buts. يقول لو رأيت صنيع العلماء الذين رسخت قدمهم في العلم فصار الناس يرجعون إليهم لوجدت أنهم طلبوا العلم على أشياخهم على منهج صاروا عليه وصار عليه من قبلهم وصار عليهم العلماء في قرون صار عليه العلماء في قرون متطاولة وهو أن يبدأ في ذلك بالنبذ والمختصرات من الرسائل والكتب ثم يترقى إلى ما هو أكبر فنأخذ أقسام التوحيد وما ينفع عنها يعني في تحقيق الفقه وطلب العلم فيها. Il dit حفظه الله تعالى, si tu voyais les hommes de science qui ont la science et qui sont ancrés dans la science et qui sont devenus une référence pour les gens, et que les gens se tournent vers eux pour leur poser des questions, tu trouveras qu'ils ont demandé la science chez leur chouyour, c'est leur maître, c'est d'autres hommes de science avant, avec une méthodologie bien précise sur laquelle ils étaient. Il y avait eux deux, d'autres ont pris cette méthodologie et cette voie-là. Et cette méthodologie et cette façon d'apprendre chez les hommes de science, c'est la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah. Hein? Et elle commençait avec les petits fascicules avant d'atteindre. Il commençait avec les résumés avant d'atteindre les grands volumes. Et ils évoluent ainsi vers quelque chose de plus grand, commençant par le petit. Et il prenait ainsi, il dit, qu'on prenne les différentes formes du monothéisme, et ce qui va être bénéfique, hein, pour l'accomplir, c'est cette voie, et pour le comprendre, c'est cette voie sur laquelle il faut être. Hein. Au niveau de toutes les parties du monothéisme. يقول حفظه الله أما توحيد الربوبية وهو مهم لا كما يظن البعض أن توحيد الربوبية ليس مهما، بل طلب العلم فيه مهم، ولكنه ليس هو الأساس، إنما الأساس توحيد العبادة. لأن من عبد الله من عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن عبادته لله وحده تضمنت أنه وحد الله في ربوبيته، إن الله رب سواه جل وعلا. لكن توحيد الربوبية مهم ووجه أهميته من جهتين. إلدي حفظه الله تعالى en ce qui concerne la partie du monothéisme qui est le monothéisme de la souveraineté. Il dit le monothéisme de la souveraineté, ce qu'on appelle Rububiyya, est très important. Ce n'est pas qu'on croit certaines personnes que ce n'est pas important. Le monothéisme de la souveraineté est important. Et le fait de demander sa science, c'est très important. Mais il n'est pas la base, car la base du monothéisme, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui adore Allah, azza wa jal, uniquement, et qui ne lui fait pas d'associé, son adoration contient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique dans sa souveraineté et qu'il n'a pas d'autre souverain que lui. Mais il dit le monothéisme de la souveraineté est important. Il est important par deux points essentiels. Il dit jihatul oula annahu wasilatu li qiyam al hujjati fi tawhid al uluhiyya. Il dit hafidhahu Allah ta'ala, le premier point, c'est que c'est un moyen pour accomplir la preuve pour le monothéisme de l'adoration pour lequel ont été envoyés les messagers alayhi salatu wa salam. والله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جعل الحجة لازمة للمشركين في عدم توحيدهم لله في العبادة لأنهم وحدوا الله في الربوبية. قال جل وعلا مثلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق إلا الضلال. Il dit, حفظه الله تعالى, Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de passages dans le Coran, a fait que les versets, beaucoup de versets, il a fait que ce sont qui concernent la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, sont des preuves qui font qu'il est obligatoire pour les associateurs de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils lui ont reconnu la souveraineté, le monothéisme dans la souveraineté, et le monothéisme comme quoi c'est lui qui donne la subsistance, etc., et qui est la créature. Il est obligatoire, certains versets les interpellent, puisque vous reconnaissez ceci, donc pourquoi vous donnez votre culte à quelqu'un d'autre? Pourquoi vous ne lui vouez pas votre culte et que vous ne lui réservez pas vos actes d'adoration? Il dit dans le verset Qol, dit, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui possède lui la vue? Qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant? Et qui gère les situations? Ils vont te dire c'est Allah. Dis-leur, pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah? Ils reconnaissent la souveraineté, et la souveraineté les interpelle. C'est une preuve comme quoi ils doivent réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset, ça c'est Allah, c'est-à-dire le seul auquel vous devez réserver votre culte, votre souverain véridique. Qu'est-ce qui a appris la vérité sinon l'égarement? Il dit le cheikh, يعني, إذا أيقنتم أن الله هو المدبر وهو المحيي وهو المميت فهو المستحق إذا للعبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. Et il dit, حفظه الله تعالى, si vous avez la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, donc c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite, le seul qui mérite l'adoration. Il est dans le verset. Et ce qu'ils font à Allah, des associés qui ne créent rien du tout, alors qu'eux-mêmes ils sont créés. Ils ne peuvent rien pour eux. Ils ne peuvent pas les faire triompher. يقول حفظه الله فإذا في القرآن جعل توحيد الربوبية أو جعل الإقرار بأن الله هو الرب وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الخالق الرازق إلى آخره جعله الله ملزما للمشرك لعبادة الله وحده دون ما سواه وهذا كثير في آيات القرآن إذ حفظه الله تعالى دونك دون القرآن الله سبحانه وتعالى أفي كو لو مونوثيسم دو لا سوفرانتي fait que le fait qu'il confirme, que les associateurs confirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain, est l'unique qui gère ce monde et qui crie, et qui donne la vie, qui donne la mort, qui protège et qui donne la subsistance jusqu'à la fin de tous les actes que ne fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a fait que dans le Coran, puisqu'il reconnaît ceci, rend la situation pour les associateurs obligatoire qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement. Et les versets sont nombreux dans ce sens-là dans le Coran, qui interpellent les associateurs, qui reconnaissent la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait que, après cette reconnaissance, cette confirmation de la souveraineté à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الأمر الثاني من وجه أهمية توحيد الربوبية أن القرآن فيه كثير من الآيات فيها إرشاد إلى صنع الله عز وجل في ملكوته وفي تدبيره للأمر وفي أنه سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف وحده الرزاق وحده إلى آخر ذلك et dit le deuxième point qui te montre l'importance du monothéisme de la souveraineté c'est que le Coran donne beaucoup de versets dans le Coran il t'oriente il t'éclaire sur la grandeur de la création d'Allah et la grandeur du fait de la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet univers qui est énorme et comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les ordres et comment il fait les choses dans cet univers énorme et que et ça te montre aussi qu'il est le seul souverain et le seul qui fait les choses dans cet univers et que le seul qui donne la subsistance et les autres choses. يقول والفقه في هذا يجعل المؤمن على حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. Il dit le fait de comprendre ça fait du croyant que il délègue réellement sa situation à Allah عز وجل comme il se doit. وعلى حقيقة التدبر في أنه لا قناعة له عن الله عز وجل طرفة عين. Et il donne la réalité de la méditation à la personne. Il fait naître dans la personne la réelle façon de méditer. Comme quoi, il ne peut rien faire sans Allah Azza wa Jal. Comme quoi, il ne peut pas se suffire à lui-même. وفي حقيقة أن الرب جل وعلا هو الغني وأنه العبد الفقير وإنما يأتي الخلل. Et il se rend compte que lui, en tant que serviteur, en tant que créateur, il est le pauvre, il est le faible, qui ne peut rien du tout. Et que la richesse, dans le sens large du terme, il est Allah. Et la puissance, dans le sens large du terme, il est Allah, Azza wa Jal. Et que le serviteur, lui, il est faible n'importe comment. يقول الشيخ وإنما يأتي الخلل في العبادة ويأتي الخلل في عدم الخضوع والخشوع ويأتي الخلل في ارتكاب المنكرات وفي اقتحام المحرمات وفي التفريط في الواجبات إذا لم تعمر محبة الله جل وعلا القلوب ولم يجل جل وعلا أعظم الإجلال ولم يخف منه فإن المرء كلما تدبر ونظر وكلما علم الآيات التي فيها أن الله هو الرب جل وعلا وحده وهو المتصرف يعني ما يدخل في توحيد الربوبية وأن كل شيء هو إنما بيده سبحانه وتعالى كلما عمر ذلك القلوب كلما خشعت ولو كادت الناس جميعا لما لما أبها بذلك il dit حفظه الله تعالى d'où vient la lacune dans l'adoration des gens dans le fait qu'ils ne sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne sont pas concentrés dans leurs adorations, qu'ils ont des lacunes dans leur adoration, qu'ils commettent des péchés et qu'ils sont négligents vis-à-vis de leurs obligations. Et parce que les cœurs ne sont pas remplis avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'y a pas la réelle vénération dans le cœur des personnes. Parce qu'ils n'ont pas peur d'Allah. Et il dit, c'est l'être humain. Médite et regarde les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il a la science des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a la science des versets dans le Coran où il y a la grandeur de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il le comprend comme il se doit. Et comme quoi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. Et qu'il comprend, qu'il maîtrise et médite comme il se doit tout ce qui concerne la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, plus cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala remplit le cœur, plus le cœur va être dévoué pour Allah azza wa jalla. Plus la personne va être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe les manigances et ce que pourront faire les autres, parce qu'il a la réelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de maîtriser le monothéisme de la souveraineté, c'est ce qui fait que tu te soumets encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître la grandeur d'Allah azza wa jal, ça fait que tu as peur d'Allah. Tu te soumets, tu t'acquittes de tes devoirs. Tu t'éloignes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Yaqulu hafidhahullah wa hada yu'addi. يعني عدم الاهتمام بالفقه في توحيد الربوبية يؤدي إلى ضعف القلوب تجاه الناس وإلى ضعف القلوب في التمسك ويكون الخشوع ضعيفا لأنه لم يجل الله جل وعلا ولم ير بديع صنع الله جل وعلا في كل شيء. اللي le fait de ne pas s'occuper à comprendre le monothéisme de la souveraineté, cela donne de la faiblesse au cœur des gens. Et la faiblesse habite le cœur des personnes. Et donc, dans ces cas-là, il va en découler quoi? La faiblesse dans la concentration, la faiblesse dans la dévolution. Et parce que ce cœur n'a pas vénéré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Parce que ce cœur ne voit pas la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voit pas la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu wa laqad ahsana al-qa'ilu alladhi qala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Et il dit qu'une belle parole a dit celui qui a dit, et dans toute chose il a un signe qui prouve qu'il est l'unique. C'est un bédouin qui a dit ça. Le bédouin connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que nos autres qui ont étudié. Et il dit, dans toute chose il a un signe qui prouve qu'il est l'unique. Et un autre bédouin avait dans le désert les grottes de chameaux. Et il dit, si les grottes existent, ça veut dire que les chameaux existent. Et si ce ciel existe, et ces étoiles existent, ils prouvent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Tout simplement avec sa nature. Yaqulu hafidhahullah. الفقه في توحيد الربوبية كيف يكون في أن نتأمل تفسير القرآن في الآيات التي فيها ذكر عظمة الله عز وجل وأن تقرأ هذه الآيات تتعلم التفسير يظهر لك ما فيها من العلم بالتوحيد. Il dit, comment on peut arriver à obtenir la compréhension du monothéisme de la souveraineté? C'est que tu médites les livres qui ont rapport avec l'explication du Coran, lequel, quand tu passes sur les versets qui ont rapport avec le monothéisme de la souveraineté et qui te parlent de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant ces interprétations, il va t'apparaître la grandeur d'Allah azza wa jalla. Et ces versets vont te donner et te montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas apprendre en même temps l'explication et la signification. يقول حفظه الله ثم ثانيا أن تنظر إلى كتاب لابن القيم وهو كتاب مفتاح دار السعادة، فإنه من أعظم الكتب في بيان ما به تستقر عظمة الله عز وجل في نفس المسلم، ويعظم بها محبته ورجاؤه والخوف منه جل وعلا. وهذا أيضا يعلم بوسائل أخرى. Il dit aussi, mais pour ce faire, tu dois t'acharner à apprendre ta langue arabe. Et il dit aussi, pour y arriver, un autre point, c'est que tu lises le livre, c'est-à-dire regarde sur le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui s'appelle Les clés de la maison du bonheur. Il est en 3 tomes. Et il dit ici, le plus important, il fait partie des grands livres et du plus important livre dans lequel il y a l'éclaircissement. Sur un éclaircissement énorme qui te montre la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala et qui va te permettre d'ancrer la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, et avec laquelle tu as arrivé à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et à la crainte d'Allah azza wa jal. Et il dit ceci aussi se demande avec d'autres moyens. Là, c'est un exemple qu'il nous a donné, mais il y a d'autres moyens pour ce faire. يقول حفظه الله أما توحيد العبادة فالمنهج في طلبه أن يبتدئ بالمختصرات، وخاصة كتاب 3 الأصول لإمام الدعوة كما ذكرنا، ثم كتاب التوحيد، ثم بعده كشف الشبهات. اللي حفظه الله تعالى كونت ومونوتيسم دو لادوراسيون لا فواسي دو كومونسي باغ لريزومي. Et surtout, les 3 principes fondamentaux qu'avait écrit l'imam Mohamed ibn Abdullah, rahmatullahi alayhi, l'imam de cette da'wah, la da'wah du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de l'authentique de la sunna, avec la compréhension des puzzles d'Allah, alayhi. Et après le livre du monothéisme, Kitab al-Tawhid, et après Kashf al-Shubuhat. En ce qui concerne les 3 principes fondamentaux, vous avez une bonne interprétation qui est celle de Sheikh Al-Uthaymeen, au moins en attendant d'avoir l'arabe, de comprendre ce livre, de le lire, de relire et de comprendre. Et vous avez en ce qui concerne le monothéisme, ce résumé de l'interprétation du livre de monothéisme qui a été fait par Sheikh Salah Al-Sheikh, traduit par les frères de l'association Anas. Non, de la maison d'édition Anas. Hein? Et après Kitab Kashf Shubuhat, Hada, jusqu'à maintenant, je ne connais pas une traduction valable. Et je ne crois pas qu'il y ait de traduction sur le terrain pour l'instant. Et en tous les cas, si traduction de Kashf Shubuhat apparaît, il faut que vous la cherchiez dans une édition Salafi. Les éditions Salafi depuis à peu près quelques années maintenant sont nombreuses. L'édition A, l'édition Anas, l'édition Asia, Dar al-Muslim, Al-Gharras, Taqwa, Sabil, et d'autres. Il y a maintenant plus d'une dizaine de maisons de traduction qui sont salafi. Et les frères qui traduisent sont du Minhaj salafi. Et arrêtez d'acheter dans les éditions qui ne sont pas connues. Il y a beaucoup d'éditions que vous avez en face de vous qui sont des éditions de Hizbi qui viennent de Belgique. Hein? Beaucoup. Les éditions qui vous viennent de Belgique, beaucoup, la majorité, ce ne sont que des Hizbi. Alors ne leur donnez pas, ne renforcez pas l'économie des Hizbi. Et renforcez plutôt les maisons d'édition salafi de vos frères salafi. Si ce menhej vaut quelque chose pour vous, فيقول حفظه الله وهذه الثلاث مراتب مهمة في أن يطلب الأول عن شيخ وأن يقرأه بنفسه وأن يقرأ كتاب التوحيد على عالم وأن يقرأه بنفسه أو يقرأ كشف الشبهات على عالم أو يقرأه بنفسه بحسب ما يتيسر، لكن المنهج أن تقرأه على عالم أو أن تسمع أشرطة فيها شرح للعلماء على هذه الكتب. Il dit ces trois degrés, ils sont les principes fondamentaux, le tawhid, كشف الشبهات, sont très importants. Il faut que tu lui demandes, il lui dit, la voie et la méthodologie, c'est que tu lui demandes et tu lui lises sur un homme de science. Et tu prends leur interprétation chez un homme de science. Et il dit aussi, tu peux les lire toi-même. Hein? Selon ce qui t'est facilité. Mais il dit, la méthodologie qui va donner ses fruits réellement, c'est quand tu les étudies sur un homme de science. Il dit aussi, tu peux écouter le cours audio qui t'explique ces livres. Hein? Il y a beaucoup d'hommes de science qui ont interprété ces livres. Il faut savoir qu'on ne se leurre pas. Le fait, l'apprentissage se fait directement de bouche à oreille de l'homme de science. Les cassettes et les audios, c'est une aide maintenant. Pour ne pas rester les bras croisés, on peut avoir. Mais il se peut que dans l'interprétation que tu entends dans les cassettes, tu ne comprends pas. Tu as des ambiguïtés, tu n'arrives pas à capter. Et dans ces cas-là, il faut que tu utilises le téléphone pour appeler l'homme de science. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression? Je ne l'ai pas comprise. Dans le passage de l'interprétation de tel livre ou tel livre. Si l'homme de science est mort, ben tu vois avec l'un de ses élèves connus sur le manhaj. Parce que souvent, les élèves, ils savent les termes qu'utilise Cheikh et qu'est-ce qu'il veut dire par là. Hein? Mais en tous les cas, le fait de lire tout seul, le fait d'apprendre avec les cassettes, ne fait de nous des demandeurs de science. La science, comme on dit le plus élevé d'Allah Alim, était dans la poitrine des hommes. Maintenant, elle est à l'intérieur des livres. Mais sa clé reste toujours chez les hommes de science. Que ce soit clair pour nous. Quand on écoute les cassettes, on lit les interprétations des hommes de science, c'est du domaine pour accomplir cette règle chez les hommes de science. Ce qu'on n'obtient pas complètement, on ne le délaisse pas complètement. Il dit Allah. هذا من أهم المهمات أن يتعلم العبد مسائل التوحيد تأمل قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين قال خاف إبراهيم البلاء على نفسه فدعا أن يجنبه الله عبادة الأصنام من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Il dit, il fait partie des choses les plus importantes. C'est que le musulman et le serviteur de Allah doit apprendre du sujet concernant le monothéisme. Il doit méditer la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit. Il a dit alayhi salatu wassalam, évite-moi ainsi qu'à ma descendance l'adoration des statues. Ibrahim, l'intime d'Allah, il a peur de tomber dans l'associationnisme. Il fait ce dua. Ibrahim Taymi, rahimahullah, qui est l'un des grands tabi'i, il a dit, Ibrahim a peur de l'épreuve. Alayhi salatu wassalam. Il a fait ce dua. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fasse éviter, ainsi qu'à sa descendance, l'adoration des statues. Qui peut être en sécurité après Ibrahim alayhi salam? Hein? Cela te prouve quoi? Que nous devons avoir peur de l'associationnisme. Qu'il faut que nous ayons peur, qu'on ayons à notre esprit l'associationnisme et qu'on connaisse l'associationnisme pour ne pas tomber dedans et qu'on ait cette peur à ne pas tomber dans l'associationnisme. يقول لهذا من خاف من شيء هرب منه إلى ضده هرب منه إلى ما ينجيه ففروا إلى الله لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى وذلك الشيخ حفظه الله تعالى celui qui a peur d'une chose il va se sauver de cette chose vers son contraire il va se sauver vers le contraire de la chose qui va le sauver de cette chose. Il dit, sauvez-vous vers Allah Azza wa Jal, car on a d'autres choses à faire que de courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا خفت حقيقة من الشرك ومن أن يحبط عملك من أن تعمل شركا وأنت لا تدري أو أنت تعمل شيئا وأنت مفرط العلم موجود لكن لا تسأل أو أن يكون عندك وأمامك وما يحبط بعض العمل أو ينقص الأجر يكسب السيئات فيما يتصل بالتوحيد وأنت لا تتعلم لا شك أن هذا مما يأتم به العبد ومما ينقص حسناته في بعض المسائل. Il dit, si tu as peur de la réalité de l'associationnisme et que tes actes ne soient pas rendus poussière, hein, en commettant un acte d'associationnisme, alors que tu ne le sais pas, ou alors tu as peur de faire quelque chose parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit par négligence, alors, ou parce que tu ne le sais pas, par ignorance, etc., alors que la science est en face de toi, et que tu ne vas pas, et tu ne demandes pas aux hommes de science, et tu n'apprends pas, et tu tombes dans des choses qui vont anéantir et rendre comme poussière tes actes, ou tu fais des choses qui vont diminuer tes hasanats, qui ont rapport avec le monothéisme, alors que tu peux apprendre et tu n'as pas appris, il n'y a aucun doute que tu es dans le péché. Et que l'être humain, quand il a une église qui lui est obligatoire, il ne l'apprend pas, et que partant de là ça découle qu'il tombe dans des situations qui ne sont pas louables, il est évident qu'il est dans le péché, qu'il doit en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà pour la négligence de l'apprentissage, d'une part, et d'autre part, le péché qu'il a commis. يقول لهذا وجب أن نتعلم حقيقة التوحيد والشرك وصور التوحيد وصور الشرك ومن أعظم ما ينفعك في هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إلذي حفظه الله تعالى. C'est pour ça qu'il est obligatoire à tout un chacun d'apprendre la réalité du monothéisme et la réalité de l'associationnisme et les aspects du monothéisme et les aspects de l'associationnisme. Et il dit la chose qui va être bénéfique à ce niveau-là, c'est le livre du monothéisme qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce serviteur de Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdelwahab rahmatullah alayh. Obligatoire pour nous de savoir ce que c'est que le monothéisme, savoir ce que c'est que l'associationnisme. Par من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Partant de la parole de cette noble parole de l'un de nos plusieurs d'Allah Alim qui dit j'ai connu le mal non pas pour la connaissance du mal mais pour ne pas tomber dans le mal. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de savoir ce que c'est que sunna, savoir ce que c'est que l'innovation, pour ne pas tomber dans l'innovation, et de savoir ce que c'est que le monothéisme, savoir ce que c'est que l'associationnisme, pour ne pas tomber dans l'associationnisme. يقول حفظ الله ثم المرتبة الثالثة كشف الشبهات وكشف الشبهات مهمة لأن طالب العلم بعد معرفته لثلاث الأصول ومعرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم بعد معرفته يحتاج إلى الأدلة في التوحيد بالتفصيل والشرك وأنواعه الأكبر والأصغر والخفي ومسائل من توحيد الأسماء والصفات والربوبية إلى آخره ثم بعدها يلدي حفظه الله تعالى le troisième degré, c'est-à-dire le premier degré, l'apprentissage de les trois fondements. Le deuxième, le livre du monothéisme, le troisième degré, kashf shubuhat, dissiper les ambiguïtés. Il a dit, kashf shubuhat est très important. C'est aussi un livre d'Al-Sheikh Mohamed ibn Abdelwahab rahmatullah alayh. Il dit le demandeur de science, après avoir connu les trois principes fondamentaux, qui sont la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion d'Allah et la connaissance de son prophète alayhi salatu wa salam, Et après avoir connu, et donc il a besoin aussi de connaître les preuves du monothéisme dans le détail, et l'associationnisme aussi, et les différentes formes de l'associationnisme, le grand et le petit, l'apparent et le caché, et le sujet concernant le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la souveraineté, et ainsi de suite. Tout ceci là où? Il y a une grande partie dans quoi? Dans le livre du monothéisme de Cheikh l'Islam, Ibn Abdullah, rahmatullahi alayhi. يقول ثم بعدها ينظر إلى شبه المشركين إن من الناس من يتعلم لكن يأتيه المشبه بشبهة فيصبح قلقا في قناعته وإيمانه بأصل دينه. Il dit حفظ الله. Et après ça, après ces deux étapes, on passe à la troisième étape. Parce que dans ce livre, quand je vois, tu regardes aux ambiguïtés des associateurs. Elle dit, certaines personnes apprennent le monothéisme, etc. Mais ils ne connaissent pas les ambiguïtés. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui leur jette une ambiguïté, et ils deviennent perturbés, ils ne savent plus quoi faire. Hein? Et il a des ambiguïtés dans sa foi maintenant, et dans la base de sa religion. يقول لهذا لا بد من أن يتعلم بعد ذلك ما الشبه التي يروجها أو يبثها المشركون والخرافيون في توحيد العبادة. Et il dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire pour lui de connaître les ambiguïtés que propagent les associateurs et ceux qui adorent les tombes, etc. en ce qui concerne le monothéisme de l'adoration. يقول ثم يتعلم رد العلماء على ذلك حتى يكون على بينة ولا يمكن بإذن الله تعالى وتوفيقه أن تروج عليه الشبهة بعد ذلك. Il dit, il faut qu'il apprenne les répliques des hommes de science concernant ces ambiguïtés pour qu'il soit dans une clarté de sa situation. Hein? Après, Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger des ambiguïtés de ceux qui veulent éjecter des ambiguïtés dans son esprit, dans son cœur. Ça, tu vois, au niveau du monothéisme, les étapes à passer. Trois étapes. Usul talata, kitab tawhid, kashf al-shubuhat. Il se peut qu'il y ait des hommes de science qui mettent d'autres fascicules avec ça. Et le fait de mettre d'autres fascicules, ça c'est une situation, c'est pas quelque chose que décrété par les textes, hein? C'est un effort d'interprétation et d'orientation qu'on fait de l'homme de science, dont il n'y a pas de mal qu'il y ait des divergences dans les ordres qui sont donnés, d'accord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ton esprit, hein? Parce que ça c'est pas quelque chose comme ça. Les hommes de science, après avoir lu le livre d'Allah et la sunna du prophète al-Islam, hein, ils ont mis en avant ce qui est prioritaire et ce qui sert aux gens selon ce qu'ils ont capté de la réalité des gens, etc. يقول حفظه الله اليوم سمعنا كثيرا مثل ما تسمعون أن من الناس من أهل الفطرة وأهل التوحيد في هذه البلاد ربما شكوا في بعض مسائل التوحيد. ما السبب؟ Il dit aujourd'hui, nous avons entendu, comme vous avez entendu, que certains gens de la fitra, qui font partie des gens du monothéisme, dans leur pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, qui est le pays où on enseigne le monothéisme comme il se doit. Hein? Et elle dit, peut-être que ces personnes ont douté sur le monothéisme. Pourquoi? Si ça arrive là-bas, qu'est-ce qu'il en est d'ici? Hein? السبب أنهم لم يقبلوا ويقولون ببعض الشبه وكأن العلماء لم يجيبوا عنها. السبب c'est que ils n'ont pas appris, ils ont قبلوا sur l'apprentissage et ils débitent des ambiguïtés que les hommes de science ont refutées. Ils disent وكأنه لا جواب عنها في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Il dit comme si il acceptent ces ambiguïtés. Hein? Comme si les hommes de science n'ont pas réfuté ces ambiguïtés. Et comme s'il n'y a pas de réplique à ces ambiguïtés dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam. وفيما دونه الأئمة والعلماء وخاصة أئمة الدعوة النجدية رحم الله الأئمة جميعا. Il dit dans ce que ont écrit les imams et les hommes de science, et plus particulièrement les imams de la da'wa en Najd. Que Allah subhanahu wa ta'ala couvre les imams de cette communauté de sa sainte miséricorde. يقول فكيف إذا يكون المرء ناجيا والعلم بين يديه وهو لا يقبل عليه. Il dit comment dans ces cas-là l'être humain va être sauvé. Il a science devant lui et il ne l'apprend pas. Comment il peut être sauvé ? Il dit cet homme dit des choses qui sont extraordinaires. Et les choses extraordinaires sont nombreuses, comme le fait que le médicament est proche et on n'y arrive pas, on ne le prend pas. Il dit comme les chameaux dans le désert qui portent les outres d'eau sur leur dos, ils ont soif et ils n'y arrivent pas. Comme l'homme, tu as la possibilité d'aller apprendre la science si tu te laisses périr dans ton ignorance. Hein? C'est la même chose, c'est une image qu'il donne. La bête, il a l'eau sur son dos, il est dans le désert, il n'arrive pas. La même chose, quelqu'un parmi nous, qui a la possibilité, qui a les moyens, qui a la facilité d'aller apprendre, ben il agit comme cette bête-là. Qui a l'eau sur son dos, il ne le boit pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Salam al-afiyah. Yaqul, fa'ida alimta al-haq. فإنه يجب عليك أن تؤديه حتى يثبت إذا علمت معنى التوحيد وثلاثة الأصول تعلم بيتك تعلم أسرتك أيضا تقيم الحجة على المعاند وتتمرن على ذلك حتى يقوى في قلبك وحبذا أن يكون ذلك بأسلوب لطيف بأسلوب جيد ولو كان بأسلوب آخر فإنه ينفع بإذن الله تعالى ولكن ينبغي أن يتحرى بالتي هي أحسن لكن الإغلاط في موقعه لا بد منه والسهولة واللين في موضعه هو الأصل ولا بد منه ولهذا أيضا قال الشاعر ولقد أحسن أبن وجه نور الحق في وجه سامعه ودعه فنور الحق يسري ويشرق سيذكره يوما وينسى نكاره كما نسي التوثيق من هو مطلق إذ حفظه الله تعالى كنت كوني لا vérité il est obligatoire pour toi que tu l'accomplisses pour qu'il se confirme en toi. Car c'est la science, tu ne la mets pas en application. Il ne se confirme pas en toi. Et puis, il disait, nous nous aidions pour la mémorisation, pour l'apprentissage avec le jeûne, le fait de jeûner. Et nous aidions pour que ça s'ancre et pour qu'on garde ce qu'on a mémorisé avec le fait de le mettre en application. Combien de choses sont passées dans ton esprit, tu ne les mets pas en application ? Tu les as perdus. Hein? Et regarde, pour ceux qui sont constamment à faire leurs invocations du matin et du soir, comment ils n'ont plus besoin de les lire. Parce qu'ils les répètent, etc. Il les fait. Hein? Donc ceci est très important. Quand tu as appris, tu le mets en application pour que ça s'ancre, ça reste. Quand tu as appris, ce que ça veut dire le monothéisme, les trois fondements. Tu l'apprends aussi à ceux qui sont sous ta tutelle, ta femme, tes enfants, ta famille. Et aussi, tu accomplis la preuve contre les entêtés et tu t'entraînes à ceci pour que le monothéisme grandisse dans ton cœur. Et il dit, il faut que ça soit avec le meilleur du style, avec sagesse. Hein? Même, il dit, même si ça se fait avec un style un peu dur, Allah, ça pourra être bénéfique aussi, bi'idhnillah azza wa jalla. Il dit, mais la personne doit choisir le meilleur des styles. Il dit, mais des fois, la sévérité, la fermeté dans certaines situations est obligatoire. Et la souplesse, et la douceur est demandée à l'origine. Mais il y a des fois, la fermeté, il y a un peu de dureté, et demander aussi, parce que ça fait partie de la sagesse, c'est quoi? Le hikma, c'est quoi? C'est mettre les choses à leur place. Quand il faut être ferme et sévère, il faut l'être. Quand la situation demande la souplesse et la douceur, il faut l'accomplir. Et ça fait un peu partie de la hikma, de renverser les situations, où là tout le temps être dur, où là tout le temps être souple. Là, selon les situations. Et selon les personnes, qu'est-ce qui va être bénéfique pour lui? Et les personnes sont différentes. L'entêté, il y a un langage avec. L'ignorant, c'est la douceur, la souplesse. Hein? Et ainsi de suite. Celui qui est plus âgé que toi, il t'est demandé un certain respect, de savoir lui parler. Et combien, pour nous en Europe, il vaut mieux éviter de parler avec les personnes âgées. Pourquoi? Il faut vous dire, les Maghrébins en général, qu'ils soient Tunisiens, Marocains, ou Libyens ou autres Mauritaniens, n'ont pas été éduqués à accepter le conseil de plus petits qu'eux. Sauf certains classes, alors t'as la couverture de sa sainte miséricorde. Ils n'ont pas été éduqués à ça. Alors que le conseil, il est obligatoire pour nous compter si la vérité de l'accepter de qui il vient. Mais dis-toi bien aussi une chose, tu as grandi dans n'importe quelle zup. Hein? Et encore hier, ce daron, il te voyait aller chercher les morceaux du poison que tu vends aux jeunes, et te voyait où tu vas le chercher, dans la cité où est-ce que tu le caches. Il distribuait prendre l'argent. Et du jour au lendemain, tu viens lui faire le conseil. Là, il a ouvert ton cœur à l'islam. Tu as pris le bon chemin. Alhamdulillah. Et tu vas lui faire la leçon. Fais très attention. Et peut-être que lui voit en toi que toi, tu as déglingué ses enfants par le commerce que tu faisais. Donc, il faut faire très attention. Il rejette. On bloque. Il n'accepte pas. Et des fois, par notre manque d'expérience, et par notre manque de sagesse, et par notre manque du savoir-faire, on fait des dégâts chez les darons et chez le commun des musulmans. C'est pour ça, avant d'aller s'adresser à quelqu'un, il faut bien savoir à qui tu as affaire. Et quand c'est une personne âgée, il vaut mieux que tu envoies quelqu'un dont le langage est accepté par les personnes âgées. Au lieu de faire des dégâts. Parce que le but, c'est de ramener cette personne, de la sortir de la situation mauvaise dans laquelle elle est. Hein? Vers un bien. Mais le but, ce n'est pas de le refouler du bien et d'être un obstacle entre lui et le bien. يقول فلهذا ابدل ما عندك بعد التعلم فإنه سبب ووسيلة إلى ثبات العلم والذي يتعلم ولا يبدل العلم تعليما لأهله لصغاره لمن حوله لأهل حيه للناس فيما يحسنه من لا يبدل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتابة إلى آخره فإنه ربما ضعف في هذا الجانب. Et il dit, Havidallahu Ta'ala, celui qui, la science qu'il a appris, il ne la met pas en application. Et aussi, l'un des moyens de l'ancrer, et que ça reste pour lui, c'est qu'il l'enseigne aux autres. Hein? Il l'enseigne à sa famille, à ceux qui l'entourent, à ceux de son quartier, à ses amis. Hein? Il enseigne ce qu'il maîtrise. Il l'enseigne à ceux qui ne l'ont pas. Et celui qui ne propage pas la science qu'il a appris, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, que ce soit en écrit ou avec des paroles et avec des conseils, peut-être que cette personne va faiblir à ce niveau-là. Et sa science va diminuer à ce niveau-là. وقد قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Et il cite ce passage du Coran où il dit: si elle faisait ce qu'il leur a été donné comme leçon, ça aurait été un bien pour eux et ça aurait été un moyen pour que ça s'ancre en eux. C'est de propager ce qu'ils ont appris. Et nous leur donnerons une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera aussi une énorme récompense. Et nous allons les guider vers la voie droite. C'est-à-dire, ils s'est guidés vers la voie droite. C'est-à-dire, les confirmer, les ancrer dans cette voie-là. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Et ça, c'est un grand bienfait min Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toute la science. Et ceux qui sont comblés de bienfaits d'Allah Azza wa Jal, leur voie, c'est la voie de la science, akha l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de notre religion. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.